Poil de carotte, les têtards. Poil de carotte joue seul dans la cour, au milieu, afin que Madame Lepic puisse le surveiller par la fenêtre. Et il s'exerce à jouer comme il faut quand le camarade Rémi paraît. C'est un garçon du même âge, qui boite et veut toujours courir, de sorte que sa jambe gauche, infirme, traîne derrière l'autre et ne la rattrape jamais. Il porte un panier et dit « Viens-tu, Poil de carotte, papa me le chanvre dans la rivière. Nous l'aiderons et nous pêcherons des têtards avec des paniers. » Demande-le à maman, dit Poil de carotte. Rémi, pourquoi moi? Poil de carotte, parce qu'à moi ne me donnera pas la permission. Juste, Madame Lepic se montre à la fenêtre. Madame, dit Rémi, voulez-vous s'il vous plaît que j'emmène Poil de carotte pêcher des têtards? Madame Lepic colle son oreille au carreau. Rémi répète en criant. Madame Lepic a compris. On la voit qui remue la bouche. Les deux amis n'entendent rien et se regardent indécis. Mais Madame Lepic agite la tête et fait clairement signe que non. Elle ne veut pas, dit Poil de carotte. Sans doute elle aura besoin de moi tout à l'heure. Rémi. Tant pis, on se serait rudement amusé. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Poil de carotte. Reste, nous jouerons ici. Rémi. Ah non, par exemple. J'aime mieux pêcher des têtards. Il fait doux. Je ramasserai des pleins paniers. Poil de carotte. Attends un peu. Maman refuse toujours pour commencer. Puis des fois, elle se ravise. Rémi. J'attendrai un petit quart, mais pas plus. Plantés là, tous deux, les mains dans les poches, ils observent sournoisement l'escalier et bientôt, Poil de carotte pousse Rémi du coude. Qu'est-ce que je te disais? En effet, la porte s'ouvre et Madame Lepic, tenant à la main un panier pour Poil de carotte, descend une marche. Mais elle s'arrête, défiante. « Tiens, te voilà encore, Rémi? Je te croyais parti. J'avertirai ton papa que tu musardes et il te grondera. » Rémi. « Madame, c'est Poil de carotte qui m'a dit d'attendre. » Madame Lepic. « Ah vraiment, Poil de carotte ?» Poil de carotte n'approuve pas et ne nie pas. Il ne sait plus. Il connaît Madame Lepic sur le bout du doigt. Il avait deviné une fois encore. Mais puisque cet imbécile de Rémi brouille les choses, gâte tout, Poil de carotte se désintéresse du dénouement. Il écrase de l'herbe sous son pied et regarde ailleurs. « Il me semble pourtant, dit Madame Lepic, que je n'ai pas l'habitude de me rétracter. » Elle n'ajoute rien. Elle remonte l'escalier. Elle rentre avec le panier que devait emporter Poil de carotte pour pêcher des têtards et qu'elle avait vidé de ses noix fraîches, exprès. Rémi est déjà loin. Madame Lepic ne badine guère, et les enfants des autres s'approchent d'elle prudemment et la redoutent presque autant que le maître d'école. Rémi s'ouvre là-bas vers la rivière. Il galope si vite que son pied gauche, toujours en retard, raie la poussière de la route, danse et sonne comme une casserole. Sa journée perdue, Poil de carotte n'essaie plus de se divertir. Il a manqué une bonne partie. Les regrets sont en chemin, il les attend. Solitaire, sans défense, il laisse venir l'ennui et la punition s'appliquer d'elle-même.